Le rassemblement de remise des moyens de propagande et d'animation et des matériels roulants présents du dirigeant suprême Kim Jong-un envoyé à l'arrondissement de Samdeon s'est déroulé le 1er juin sur place. Y ont pris part les officiels intéressés, les cadres des secteurs des hauts faits révolutionnaires de l'arrondissement de Samdeon, les propagandistes et autres travailleurs.